Amour, richesse et succès. Un jour, une femme, en sortant de chez elle, vit trois vieillards avec de longues barbes blanches, assis devant sa maison. Elle ne les reconnaissait pas. Elle leur dit « Je ne pense pas que je vous connaisse, mais vous devez avoir faim. S'il vous plaît, entrez, et je vous donnerai quelque chose à manger. » « Est-ce que votre mari est à la maison ? » demandèrent-ils. « Non, il est sorti, » leur répondit-elle. « Alors, nous ne pouvons pas entrer. » Le soir, lorsque le mari fut de retour, la femme lui racontait ce qui s'était passé. « Va leur dire que je suis à la maison et invite-les à entrer. » La femme sortit et invita les hommes à entrer dans la maison. « Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison, » répondirent-ils. L'un des vieillards expliqua « Son nom est Richesse, » dit-il, en montrant l'un de ses amis et en indiquant l'autre. « Lui, c'est Succès, et moi, je suis Amour. » Il ajouta alors « Retourne à la maison et discute avec ton mari pour savoir lequel d'entre nous vous voulez bien accepter dans votre maison. » La femme rentra dans la maison et raconta à son mari ce qui s'était dit. Il en fut très content. « Que c'est bien !» s'exclama-t-il. « Puisqu'il y en est ainsi, nous allons inviter Richesse. » Sa femme ne l'approuva pas. « Mon chéri, pourquoi n'inviterions-nous pas plutôt au Succès ?» Leur belle-fille écoutait à l'autre bout de la maison. Elle intervient alors et suggéra. « Est-ce que ce ne serait pas mieux d'inviter Amour ? Notre maison serait alors remplie d'amour. » « Acceptons la suggestion de notre belle-fille, » dit le mari à sa femme. « Sors et invite Amour à entrer chez nous. » La femme sortit et demanda aux trois vieillards. « Qui d'entre vous est Amour ? Entrez, s'il vous plaît, et veuillez être notre invité. » Amour se leva et commença à marcher vers la maison. Les deux autres se levèrent aussi et le suivirent. Surprise, la femme demanda à Richesse et Succès. « Je n'ai invité qu'Amour. Pourquoi venez-vous aussi ?» Les vieillards lui répondirent ensemble. « Si vous aviez invité Richesse ou Succès, les deux autres seraient restés dehors. Mais puisque vous avez invité Amour, partout où il va, nous allons avec lui. Car partout où il y a de l'amour, il y a aussi de la richesse et du succès. »